Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Auditrices, auditeurs, cinéphiles, merci d'être ici. Un numéro tout spécial de transmission aujourd'hui, puisque nous avons décidé de faire une spéciale sur un film que Lucien, Manu et moi-même adorons et que du coup nous avons fait découvrir à notre camarade Julien, qui est ici aussi aujourd'hui. Il s'agit de Night in the City, Les Forbans de la Nuit de Jules Dassin, le film sorti en 1950, qui est ressorti début avril dans un luxueux coffret combo Blu-ray DVD chez Wildside, avec en supplément un livre grand format de Philippe Garnier, une analyse en vidéo de Glenn Erickson, spécialiste du film noir, et aussi une émission animée par Jean-Jacques Bernard qui invitait Jules Dassin lui-même, le réalisateur. Donc, Les Forbans de la Nuit, c'est un film de Jules Dassin, donc oui, le père de Joe, qui avait l'habitude de dire qu'il avait eu trois carrières. Une aux USA avec ses premiers films, une autre en France, avec notamment du Rififi chez les hommes, tout de suite derrière Les Forbans de la Nuit en 1955, et une dernière carrière en Grèce. Jules Dassin, il est né dans le Connecticut en 1911. Il a grandi à New York, son père était un émigré ukrainien, et en fait le nom de Dassin vient qu'il y a eu une faute à Ellis Island, c'était plus facile de mettre Dassin que le patronyme ukrainien. Et c'est surtout que Dassin est un acronyme d'Odessa en fait. Merci Manu pour cette précision. Jules Dassin, il est arrivé au cinéma d'abord par la mise en scène de théâtre, puis il a été embauché à la RKO, où il a notamment assisté à un tournage d'Hitchcock. Il est très impressionné par le maître, notamment par sa direction d'acteur. Et c'est à la RKO qu'il dirigera ses premiers essais, puis après ce sera des films de commande pour la MGM, puis enfin la Universal, où il réalise certains de ses films les plus connus, comme La Cité sans voile dans les années 40. Pour Les Forbans de la Nuit, on est à la fin des années 40, c'est le McCarthyisme, et Jules Dassin va se retrouver inscrit sur la liste noire, donc il est accusé d'avoir été sympathisant communiste, ce dont il ne s'est jamais caché, et il s'exilera en Europe en 49 pour y tourner donc ce film Night in the City, Les Forbans de la Nuit. Et qu'est-ce que ça raconte Night in the City ? Avant qu'on aille plus en détail dans la genèse du film lui-même, donc c'est comment le début du film, Lucien ? The night is tonight and the city is London. Voilà, donc ça se passe dans le Londres en reconstruction post-World War II. C'est pas tout à fait ça. Il y a un homme qui est pris en chasse, cet homme c'est Fabian. Et malgré le fait qu'il soit traqué, il prend quand même le temps de ramasser l'œillet tombé de sa boutonnière et de le replacer à sa veste avant de se réfugier chez Mary Bristol, c'est Jane Tierney, la femme qui est encore amoureuse de lui, malgré que ce Fabian soit quelqu'un qui veut tout le temps être sur le bon coup, qui va lui faire décrocher la lune et le faire devenir quelqu'un. Il cherche tout le temps à avoir une entourloupe qui va faire de lui un homme riche. Et progressivement, en fait, nous allons apprendre que Fabian, donc c'est Richard Widmark, c'est une espèce de marlou, hein. Il est rabatteur à la solde des époux Noceros, un couple mal assorti qui tient un club interlope, le Renard Argenté, le club où justement Jane Tierney exerce ses talents de chanteuse, voire plus, on ne sait pas trop, ça reste un peu flou. Il y a déjà tout dans cette ouverture dont tu parles, c'est ça qui est génial. Et alors que Widmark, donc Fabian, assiste à un match de catch, il va rencontrer Gregorius, qui est une ancienne gloire de la lutte gréco-romaine, et c'est là qu'une nouvelle idée de business possible va germer dans sa petite tête. Et c'est le début, je viens de raconter quoi, le premier quart d'heure du film. Alors, peut-être que Manu, tu peux nous raconter un peu comment ce film... Je peux juste déjà placer un petit... Allez-y, aidez-moi, ça fait longtemps que je parle. Une petite précision sur le fait que Jules Dassin soit parti en Europe pour fuir le McCarthyisme. Il a surtout un peu été poussé par Zanuck. Par Daryl Zanuck, qui était le chef de production de la Fox à l'époque. Qui était le chef de production de la Fox, pour en effet lui permettre de ne pas être mis sur liste noire. Et Dassin, au début, refusait parce que sa mère était gravement malade à l'époque. Et donc, il ne voulait pas s'éloigner d'elle. Mais bon, voilà, les choses ont fait que... Donc Night in the City, c'est une adaptation d'un livre noir de Gerald Kersch, qui apparemment était très difficile à adapter, eu égard à son côté foisonnant et la multitude de personnages qu'il y a dans le livre lui-même. Et au caractère de l'auteur, je crois. Aussi, principalement au personnage principal, qui était un souteneur, qui n'était pas un personnage d'escroc qu'incarne Widmark dans la version qu'on connaît, et qui justement, explicitement, prostituait une femme, était vraiment un personnage beaucoup plus compliqué à mettre en place dans le système de l'industrie hollywoodienne, avec le code ACE, avec plein d'aspects qui étaient compliqués à traduire à l'écran et qui va être sans cesse retravaillé et qui va être encore retravaillé au tournage et même après le tournage par Zanuck lui-même. Zanuck qui a commencé comme gagman chez Chaplin, qui est passé par un petit peu tous les corps de métier, qui aussi était un scénariste plutôt doué. Donc voilà, c'est un film qui est conçu pendant cette période de la liste noire. La liste noire qui est la conséquence du macartisme, puisque c'est Hollywood qui va mettre en place cette liste noire pour se prévenir un petit peu de l'intrusion de la politique au sein de leur business. Et donc le film est délocalisé à Londres. On va demander à Dassin de partir très vite pour tourner ce film-là, à la fois pour des raisons de préserver Dassin des activités de la commission des activités anti-américaines, et aussi parce qu'il y a un petit deal commercial entre les États-Unis et l'Angleterre qui fait que l'Angleterre est très protectionniste et une partie de l'argent que dépensent les Américains sur le sol anglais est gelée. Je crois que c'est 8% environ des budgets, et donc ils ont plutôt intérêt à dépenser cet argent qu'ils ne peuvent pas récupérer. Et donc le film naît aussi de cette configuration, à la fois le macartisme, à la fois un argent qu'il faut dépenser sur le sol anglais. Et donc Dassin part tourner ce film dans l'urgence. Il va revenir à Hollywood, mais il ne tournera plus à Hollywood, il repartira en 52 vraiment d'Hollywood. Et cette fuite en avant, elle est aussi, on peut la traduire dans la fuite en avant qu'a avoir le personnage principal tout au long du film. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, que c'est un film qui va tirer parti de tout ça. Et même pour revenir avant ça, vraiment, les toutes bases de la genèse du projet, c'est un bouquin, enfin les droits du bouquin sont achetés par Charles Feldman pour la Warner, qui était une sorte de wonder guy à Hollywood à l'époque. Il débauche tourneur assez rapidement pour le film. Le tournage est repoussé un nombre incalculable de fois parce que Feldman trouve systématiquement le script insatisfaisant. Apparemment, je n'ai lu aucun script de l'époque, évidemment, mais le personnage principal était vraiment plus traité en tant que héros. On avait même un moment dans les cours de réécriture, ça n'a pas de rapport avec l'héroïsme du personnage, mais on avait envisagé John Fante pour réécrire le film, entre autres. Et énormément de grands noms. Et Cary Grant pour un peu. Et Cary Grant, James Mason, Stanley Granger pour le rôle principal. C'est, quand on voit que ça a fini par aboutir. Surtout que ça paraît absolument impossible d'avoir ces acteurs-là pour incarner le personnage qui est Henri Fabien. Mais apparemment, dans cette version même minoré par rapport au roman. Mais apparemment, dans cette version du script, ils en avaient fait plus un protagoniste à part entière, parce qu'ici, ce qu'il en résulte au final, dans la version de Jules Dassin, ça reste un personnage qui est hyper intéressant, mais qui fait aussi beaucoup vivre les personnages secondaires qui gravitent autour de lui, qui amènent un peu plus loin, qui contraste avec la minceur de l'intrigue qui est plutôt pulp, cette minceur d'intrigue qui est tirée du côté pulp. Oui, mais pulp qui est quand même très accrocheuse. Ah, qui est super, hein, c'est pas ça que je dis. Elle est très accrocheuse et puis elle sort aussi de certains canons qu'on peut voir dans le film noir. On n'est pas dans une histoire de meurtre passionnel, de détective privé, de criminel endurci. Je voulais juste compléter le casting, en fait. Donc, outre Richard Widmark et Gene Tierney, dont on a déjà parlé, il y a Herbert Lom qui joue le rôle de Christo, qui est un peu le concurrent de Widmark pour l'organisation des combats de catch. Il y a Francis Sullivan dans le rôle de Noceros, qui tient donc le club, et Googie Withers qui joue sa femme. Et enfin, le rôle du lutteur Gregorius est tenu par Stanislaus Bisco, qui était un vrai lutteur, en fait, que Jules Dassin avait vu apparemment enfant sur un ring. Et apparemment, il a fait remuer ciel et terre pour retrouver ce mec et qui incarne le lutteur Gregorius dans le film. Qui était devenu éleveur de poulets entre-temps. Mais c'était aussi un mec qui avait fait des hautes études littéraires. Et apparemment, la relation entre Dassin et j'ai déjà oublié son nom, tu viens de le dire. Zbysko. Zbysko. Stanislaus. Ils avaient une très belle relation entre eux qui a apparemment, selon Dassin, influé le... La scène de sa mort. Ce qu'en est devenu le personnage dans le film. Donc Manuel, Lucien et moi-même avions déjà découvert ce film en amont, et se découvrant une passion commune pour ce film, nous avons opté pour faire une transmission dessus. Mais Julien l'a découvert pour l'occasion. Julien, qu'as-tu pensé du film ? Eh ben, bonne découverte ce matin à la vision de ce film, je vous en remercie. J'étais aussi justement happé par ce que tu disais, Lucien, sur la scène d'ouverture, la fuite tout de suite qui annonce le film et qui est de manière formelle assez révélatrice de ce qui va se passer. Je trouve, pour faire court et puis comme ça on distribue un peu la parole, que le film est vraiment un modèle, je trouve, de construction et de concision dans comment les choses s'imbriquent les unes avec les autres de manière assez, vraiment très simple et très limpide, et que il n'y a pas une image en trop, j'ai l'impression, il n'y a pas un plan acheté, il n'y a rien de gratuit, et je trouve que dans l'écriture du film, même si apparemment ça n'a pas été satisfaisant pendant longtemps, le scénario, je le trouve assez virtuose. Et quand je parlais de comédie, c'est parce qu'il y a beaucoup de, voilà, la façon d'embobiner les gens, etc., dans le comment se mettre les catcheurs dans la poche, etc., aller chercher l'étrangleur qui mange, etc. Enfin, il y a des choses assez drôles là-dedans. Pas satisfaisant dans le sens où il y a l'auteur Kersh qui a trouvé tout du long le film raté sous toutes ses moutures. Bon, ça arrive souvent avec les auteurs adaptés. Il y a le fait que Dassin, apparemment, alors que c'est pour moi peut-être un de ses deux meilleurs films, Dassin aime pas le film, mais j'ai l'impression que c'est plus dû aux conditions de tournage qu'aux qualités. C'est plus qu'il cherche à oublier ce film-là trop douloureux que réellement que se prononcer sur s'il aimait ou pas le film. Et ce qui est dingue aussi, quand tu parles de précision, de dynamisme, etc., dans l'écriture, c'est de voir quand même comment le film a été réécrit un million de fois. Et c'est peut-être là, comme le disait Manu plus tôt, qu'on voit l'influence de Zanuck sur le côté efficace du film au final, quand on sait qu'il y a eu, même en cours de film, des réécritures par Dassin lui-même, sous les conseils de Zanuck, lui demandait de réécrire certains personnages au fur et à mesure. Et justement, on parlait de l'anecdote de ce début de film avec cette fleur à la boutonnière qu'il va ramasser. C'est quelque chose qui était présent dans une version du scénario. À force de réduire, le scénario va disparaître. Zanuck va demander vraiment de restaurer cette scène-là. C'est là où on voit, entre guillemets, la qualité de Zanuck producteur, qui a une intelligence très forte de savoir ce qui va caractériser en un plan le personnage. Mais il y a même des scènes en début de métrage, il y a eu des retakes tournés à Los Angeles qui n'ont pas été tournés par Dassin. Ça se voit d'ailleurs, il y a des scènes dans l'appartement qui est carrément pas le même. C'est qu'en fait, toute la séquence de présentation, d'introduction entre Widmark et Eugène Ternet dans l'appartement est sensiblement différente. C'est même presque un... Ça devrait être étudié en école de cinéma. Je pense que ces deux séquences-là, tellement elles vont modifier ta vision du film. On parle souvent des réécritures ou des tournages additionnels comme quelque chose souvent plutôt nocif et pas forcément bénéfique pour le film. Là, on a un exemple de, donc le film sort en Angleterre et il sort 6 mois plus tard aux États-Unis, et Zanuck n'est pas content de certains éléments du film, et notamment cette séquence-là qui est le plus voyant du film, puisqu'il y a 5 à 6 minutes qui diffèrent entre la version américaine et anglaise, la version anglaise étant plus longue que la version américaine. Et il fait le choix dans cette séquence-là de commencer la séquence avec Widmark qui frappe à la porte, n'a pas de réponse, rentre dans l'appartement et furette un petit peu et s'approche du sac de Jeanne Tierney et est surpris par Jeanne Tierney. Là où dans la version anglaise, en fait, il frappe à la porte, elle est là, elle l'attend éplorée, embrassade, baiser, ce qui va modifier plein de comportements de jeu de Jeanne Tierney. Je trouve son rôle est vraiment grandi dans cette séquence-là américaine par rapport à la version anglaise, des petits détails, la manière dont elle va reboutonner son col de chemise, des petits détails de jeu qui vont vraiment préciser les deux personnages et en fait vraiment servir de base à tout ce qui va se déployer entre ces deux personnages tout au long du film. Absolument, et c'était une demande de Jeanne Tierney à la base, à Zanuck, qui trouvait que son personnage n'avait pas assez de caractère, n'était pas assez intéressant à jouer. Zanuck lui avait donné le rôle parce qu'apparemment elle était dans en forte dépression, elle avait même des tendances suicidaires à l'époque, et il s'était dit qu'en lui donnant ce rôle, ça la sortirait un peu de cette mouise. Et donc il a demandé à Dassin de réécrire un peu le personnage qui existait déjà dans le roman. Hein. Le personnage n'est pas inventé, mais de l'étoffer par rapport à son rôle dans le roman pour pouvoir donner un vrai rôle dans le script à Jeanne Tierney. Oui, pardon. Même si au final, elle n'est que là, elle a de présence à l'écran, elle doit avoir un quart d'heure. Elle est extrêmement importante dans le récit. Justement, toutes les scènes où elle apparaît sont vraiment essentiel. Il y a cette séquence de début, tout l'échec de cette relation dans cette première rencontre, la séquence où il va piller son appartement aussi, qui est extrêmement forte, et cette magnifique scène de fin où il y a cette idée de mise en scène géniale, des bruits de pas qu'on entend sur le ponton, qui sont des bruits de pas menaçants et qui sont en fait les bruits de pas de Jeanne Tierney qui vient à son chevet, et l'idée de rachat du personnage qui est très belle, mais qui à la fois montre aussi qu'il a compris les choses trop tard et pas forcément très bien. Elle est très peu de là à l'écran, mais elle est essentielle. Tu parles de personnage qui comprend trop tard, c'est quelque chose qui est un peu ridicule et touchant autour de ce personnage, mais qui est très beau dans le film, c'est que tous les personnages, amis comme ennemis autour de lui, comprennent avant lui ce qui va lui arriver à lui-même. Moi, j'ai jamais vu que la version américaine. Parce que Dassin dit, et ça, je trouve ça hallucinant de dire ça, que d'abord Waxman, qui a composé la très belle musique de la version américaine, en tout cas, il n'a eu que deux contacts avec lui par téléphone de manière très brièvement, et qu'il y a un autre score qui a été composé qui paraît-il est dégueulasse, enfin selon Dassin. C'est assez visible ce score anglais, il suffit de comparer la séquence d'intro, cette séquence de course-poursuite, la composition anglaise, elle n'est pas du tout aussi tendue que la musique de Waxman, qui est proche du Mickey Mousing à des moments dans les mouvements de singer les mouvements du personnage, mais qui est extrêmement haletante. Mais pour revenir au film lui-même, on a parlé. Est-ce qu'on parle pas du film là ? Anecdotes de film. Attends. Oui, non, mais c'est super. Hein, merci les gars. Mais on a parlé à juste titre de l'introduction du personnage de Fabian, l'introduction du personnage qui est joué par Gene Tierney. Mais en fait, c'est tous les personnages qui sont hyper bien caractérisés. C'est une des forces, je trouve, vraiment du film, c'est que tous les personnages, tous, sont hyper bien caractérisés en très peu de temps. Et ils sont tous touchants, ils ont tous une forme d'ambivalence. Et je trouve que le personnage de Noceros, donc celui qui tient le club, il est vraiment touchant dans son côté pathétique, même si c'est lui qui tire les ficelles et c'est lui qui va précipiter la chute de Richard Widmark. Je suis presque totalement d'accord, mais ils sont pas tous ambivalents. Le personnage de Mary et même le personnage le père, ils sont presque intégralement bons. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas tellement de côté sombre, contrairement à en effet tous les autres personnages secondaires. Mais on peut exister sans avoir de côté sombre. Tu non, c'est parce pas, que Lucien. c'est parce que tu disais qu'ils étaient tous ambivalents. Ça me semble pas. Non, mais je trouve que ce sont des personnages complexes. Oui, ça, on est absolument d'accord. Oui. Et quand je prends l'exemple de, je dois relire les noms tout le temps. Je suis désolé, de Grégorius. Donc le lutteur. Le lutteur, c'est un personnage plus ou moins intégralement bon, mais ça ne l'empêche pas d'être, pour moi, peut-être le personnage le plus fascinant, un des personnages les plus fascinants du film. Moi, je trouve effectivement que c'est aussi le cas. Enfin, l'écriture, j'ai l'impression qu'il joue vraiment pour que le spectateur soit tout le temps avec les acteurs. Quand on dit tout à l'heure, tous les personnages comprennent à l'avance qui est vraiment ce personnage principal, il y a ça, et le spectateur le comprend très vite aussi par des petites phrases ou des petits comportements très bien définis. Et du coup, il y a comme un plaisir à voir ce qui va se passer et une empathie particulière qui se développe, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que la fin est si touchante. C'est parce que même ce loser un peu magnifique ou ce petit malfrat, on est vraiment avec lui. Il y a quelque chose de fort et je trouve que sa fin est assez belle justement parce qu'on a tout de suite compris où ça allait arriver. Mais ouais, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un personnage qui est très touchant parce qu'il accumule les mauvaises actions, mais il n'y a jamais les mauvaises intentions qui vont avec derrière. C'est ça qui le rend pour moi particulièrement touchant. Après, Dassin lui-même parle de son travail comme un mélange de lyrisme et de documentaire. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très ambivalent dans le film, je trouve, c'est qu'il y a des scènes qui vont être très expressionniste, avec des débulés, des éclairages extrêmement contrastés. Je pense notamment l'utilisation, enfin, le fait d'avoir situé le film à Londres et le setup est super bien dans le film. Ouais, et, dans les ruines du Londres d'après-guerre. Ouais, voilà, c'est ça. Cette poursuite à la fin dans l'espèce de tour là, avec les plans complètement débulés. J'adore le début du film quand on voit vraiment dépeindre une espèce de monde noctambule londonien où t'as ces espèces de où il va voir plusieurs personnes pour essayer de leur retirer 200 livres je crois et tu rencontres ce mec qui vend des accessoires aux mendiants, t'as le gars qui fabrique les faux papiers et même lui toutes ces entourloupes t'y crois à mort en fait, t'as l'impression que c'est hyper documenté, tu crois vraiment dans toute cette description du monde de la nuit, c'est vraiment bien observé. Mais c'est là justement où Dassin est extrêmement intelligent dans sa manière d'approcher cette idée d'immersion du spectateur. Il a été l'un des premiers à Hollywood à promouvoir cette idée de sortir des studios, d'aller tourner en décor réel, mais il s'y perd pas aussi, parce que c'est pas parce qu'il tourne en décor réel qu'il fait des recherches documentaires extrêmement poussées sur ses films, qu'il se départit pas d'une grande stylisation de ces films-là. Et là, c'est assez fort dans le film, puisque une grande partie des extérieurs en fait est tournée entre chien et loup sur une demi-heure où on va préparer tous les éclairages et en fait il va éclairer quasiment les rues comme un studio donc avec des ombres extrêmement marquées, qui va vraiment épouser cet aspect cauchemardesque et fiévreux de ce qui pourrait presque être juste une journée du personnage au niveau de la temporalité, et on va jamais... je pense que le film se passe sur une temporalité plus large. T'as une grosse ellipse au moment où il commence à monter son truc de boxe. C'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment au service de la narration de son film. Il ne se perd pas dans cette recherche d'un aspect documentaire ou réaliste ou naturaliste, parce que pour le coup, le film est aussi extrêmement expressionniste par plein d'aspects. Mais ouais, mais c'est pas pour rien que la voix off, dès le début, spécifie bien la nuit, c'est cette nuit. Et la ville, c'est Londres, parce que c'est Londres va prendre une énorme place dans le film. Et en effet, passer des scènes comme Manu vient de le dire, presque cauchemardesques, comme ça, des clairs obscurs. Et à certains moments, quand on arrive dans des coins de Londres plus connus, Trafalgar, Chelsea Bridge, etc. Là, c'est toujours en plein jour. Là, on est presque dans du néo-réalisme, quoi. Il y a quelque chose d'hyper intéressant. C'est marrant parce que du coup, la ville comme personnage, ça m'a rappelé un film que vous avez sûrement vu, Baby Boy Frankie, d'Alain Baron, qui est vraiment un film noir où la ville de New York, j'ai l'impression qu'il y a des grandes similitudes avec le film dans la façon de faire exister une grande ville, Londres ou New York pour Baby Boy Frankie, qui finit par engloutir, avaler le personnage et à le manger. Dassin lui-même l'aura fait avec New York, avec San Francisco, si je dis pas de conneries. Et par rapport à ce que vous dites sur fiévreux, moi, j'ai été assez marqué, donc c'est la première fois que je le voyais, par la scène de lutte, évidemment. C'est génial. Incroyable. Qui dure tellement longtemps, enfin bon, dans ce côté poisseux, c'est assez difficile à regarder, quoi. Filmé très très près des corps, comme ça, c'est un truc qu'on faisait absolument pas à l'époque. Ouais. Mais c'est surtout dans sa longueur et la longueur des plans. Mais c'est vrai qu'elle est très longue et très près des corps, et c'est ça qui rend ce truc désagréable à voir, enfin désagréable. Ouais, quand à la fin de cette scène-là, t'as le corps de l'étrangleur qui est par terre, tu vois sa respiration, et c'est limite l'état du spectateur, en fait, parce que on est complètement exempt à la fin de ce truc. Il y a un représentant d'un monde ancien, en soustraction totale, avec cette espèce de monde vicié, deux pans de la société qui s'affrontent. C'est une scène magnifique. Mais même en très peu de moments et de scènes, la relation entre Christo et son père est aussi super belle, je trouve, parce que tu sens vraiment l'admiration du fils pour son père, et le fait de l'avoir déçu, et comment est-ce que lui le vit super mal. Et du coup, il y a une espèce de relation avec Widmark, qui serait une espèce de fils de substitution du lutteur. Ce qui fait que ça le transforme pas aussi en méchant pur qui va chasser Widmark. Donc il y a un côté vraiment tragique, parce qu'on comprend en fait qu'il ne peut que demander ça vis-à-vis de Widmark. C'est vrai que la fin de ce Grégorius est aussi assez belle dans la manière qu'il a de demander de fermer la fenêtre, etc. Il y a quelque chose de très. C'est très presque. T'as presque la possibilité d'avoir une petite larme à l'œil à ce moment-là, je trouve. Ouais. Et on n'a pas parlé du jeu de Richard Widmark. Très en air, en énergie comme ça, et qui donne une profondeur hallucinante, mais je te laisse... Non, mais j'ai pas d'argumentaire pour décrire le jeu des acteurs, c'est toujours ma grande faiblesse, mais je le trouve vraiment très énergique, comme c'est un grand mince en plus, il est tout en tension comme ça, avec ce sourire qui lui mange la moitié du visage à chaque fois. Il y a cette scène géniale où il vient justement auprès de Noceros, et il fait cette espèce de solo de batterie avec les mains, où il est très extrêmement physique. Ça donne un côté un peu grandiloquent, un personnage qui est un peu pathétique, et du coup ça crée un contraste qui est intéressant. Ouais, ça fait un vrai magnifique. Si on a empathie avec lui, c'est aussi parce que ce côté loser, tu parlais tout à l'heure de son côté enfant, et il y a quelque chose d'assez beau dans la naïveté qu'il a, et dans le côté enfantin, et donc en fait on lui pardonne un peu tout, parce qu'il y a quelque chose de très enfantin dans ses yeux qui fait qu'on est avec lui et qu'on a envie de le suivre. Et toi, tu parles de la batterie, mais c'est la même chose quand il tape dans les trucs de l'espèce de punching ball, là, après avoir un peu triomphé de Christo, je crois. Enfin. Mais il a un côté enfantin, mais il a quand même cet aspect, justement, qu'a Widmark, d'être brisé aussi. Il est casté pour ça, et c'est un choix parfait. Il a incarné quand même des grands salauds du film noir américain, et il a quand même ce côté poissard qui lui colle si bien à la peau. Et il a une tête d'ado toxico. Si c'est un ado ou un enfant, c'est un ado toxico, effectivement. Il y a quand même une part de vice dans ses traits, dans son jeu, dans la manière aussi dont Dassin le filme constamment en sueur, toujours transpirant. Bah c'est vrai qu'il trimballe avec ça tout ce côté-là. On sent les fissures quand même. C'est... Ouais, mais je crois que là où il est touchant, c'est que il croit en fait à ce qu'il fait, il croit qu'il va y arriver, il croit qu'il va arriver à devenir quelqu'un. Donc il a ce côté en fait, enfin vraiment un peu naïf, qui fait qu'on a cette empathie avec lui, quoi. Mais par contre, la lucidité qu'il a sur la fin et ce retournement de situation et son histoire de comprendre qui il est, de se dire maintenant j'ai un plan sans faille, du coup c'est ça aussi qui donne l'émotion de la scène finale. Julien a parlé en off, évoqué en tout cas Touch of Evil, La Soif du Mal, ça m'avait jamais frappé avant, mais alors là, quand je l'ai revu là dernièrement, il y a d'abord cette espèce de pessimisme total sur l'humanité, sur la trahison, etc., en période de macartisme. Ce côté baroque aussi, baroque, enfin voilà, on parlait de cette espèce de vision cauchemardesque de Londres. Et alors, c'est là que ça m'a frappé le plus. Je trouve que, j'oublie les noms, Green Street, l'acteur qui joue le gros mafioso. Noceros. Il est filmé comme Wells dans La Soif du Mal, vraiment qui déborde du cadre, des cadres très, très fixes en contre-plongée. Comme ça, il y a un plan magnifique où il est en avant-plan et sa femme est derrière lui. Vraiment, je trouve qu'il y a un rapport entre ce personnage et le personnage de Wells dans Touch of Evil. Merci messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là, on a été long déjà. Donc on vous conseille très fortement de découvrir, si vous ne l'avez pas vu, Night in the City, même si là on vous a un peu spoilé le truc, mais bon. Les Forbans de la Nuit, on félicite Wildside d'avoir publié ce magnifique combo DVD Blu-ray. Vous pouvez nous l'envoyer parce qu'on n'a pas assez de sous pour l'acheter et on est en train de constituer la médiathèque de transmission. Donc voilà, ce serait un juste retour des choses. Merci beaucoup, messieurs, et on se retrouve à très bientôt.